Banimakate, Lelobadini, Tchatsumbala Kashogi, Kazul Zulman, c'est maman Bouchigal, Pe Papa Ogi na Bruxelles, Arthur Kakoum. Approche pemeni pe bape mandenge na ye Mbape kisaki nga na yo swa dizan zali monve Mena vani na pembeni na moni solo le contre Tchatsumbala Kashogi ye vrema le monde mesta Kalex de Bundes Darli Kasima Elombe Jacques Foutou d'incapable Mama Taba camarade Babena qui comboy sans cheval Okani monte ma tovani na yunga komi moto tchacho Okani monte ma Nana reprende bouya la vie Mana yutu kuzala ini Ntala kalelo yo Mana yo ini son Mawaya Kwerji jama to na monsika Ezali mabe Aproche pembe ni pui Bable mandele na ye Jacques Foutou d'incapable Mama Toba camarade Babena qui file la balade Yokani motema tovani na yonana komi moto Yokani motema Nana reprendre bouya la vie Na eminence mbotu o pa pour être contredit un jour Jean Mokila, papa Bonengo Na yutu kuzala ini Talaka lelo yo Ngana yo iniso Jenga kabunga Jean Koutoumbala Il est père de Nami Jean-Jacques Lefouma Eric Machano Mamana Jani Sabu Makengo Mubali Akati Yvonne Mbemba Mbalek Solange Sasa Mireille Selma Magali Jean-Paul Ndambe Michel Omeonga Yannick Nkoyi Patti Mubengaye Jean-Claude, Machiro, Didier Omeyonga. Huka, huka, huka. Bato ya mokili mite mama be. Le monde est méchant mite mama be. Moto bomoni ezoli na ena pasi. Chacho azimo solo na ena pasi. J'en suis ma tête, Yangwe Paranayo Zali Pare, Yangwe Paranayo Zali Papa, Yangwe Paranayo Zali Phénomène Tchacho, et bien Paranayo Zali, Moïse Sauveur, Yadidi Kinsalaï, Moïse Sauveur, Opéran Pascal et Popa, Moïse Sauveur, Yadichard Kinsalaï. Moïse sauveur. Oh, Jano, Jano, Kano, Yahweh Paranayo, Zali Parrain. Moïse sauveur. Bijou Massamba, yeah, yeah, yeah.